Mais cérébral, ton pouce abaissé, les bras perdus entre le train-train, le doute et les etc. Noyés sous les sérénades d'un modèle scélérat exercé par notre inaptitude à laisser des parts. Chaque excès de plus est une insulte au dépourvu. Combien finissent dépravés, occultés des parvis, à côté des pavés qui restent bien encastrés. La plage elle reste enfouie sous des classes encadrées. Les vitrines sont intactes, révolte troquée contre un tract. Les oubliés des médias n'ont pas une once d'impact. Et on se branle sur notre démocratie de manière unanime. Indécent onanisme quand on délaisse l'anonyme, c'est obscène. Nos suffisances sont écœurantes, surtout lorsque j'entends de façon récurrente que la démocratie est en pleine ascension. Attention, elle ne se mesure ni à l'abstention, ni à la participation, mais au pouvoir du peuple et sa représentation. Alors excusez-moi du peu, et il n'y a pas de pouvoir sans droit à l'instruction. Je ne parle pas de l'éducation, mais du savoir sans induction. Sans être pris entre les hiérarchies, les classements apatrides, les QCM, les notations et les plans trois parties. Sans un programme unique pour un peuple multiple, car l'école nationale est la première qui mutile notre droit d'être soi. Pour chaque individu et l'on finit vidé entre dividendes et vidures, ne nous rassemblant que par le rejet de la différence, alors que chaque divergence devrait inspirer la déférence. Car la démocratie intègre chaque citoyen, celui-ci n'a pas à intégrer de modèle en son sein. Il n'a pas à être dicté par ce qui est établi, car il n'a qu'une vie et elle est à lui. Des visages souriants placardés qui partent à la conquête, aplatis sur les façades, dur de voir derrière leur tête tout ce qui dégouline entre les lignes, des slogans et des programmes. Comment séparer le vrai du faux dans le combat de fauve électoral? Flatter, réconforter, rendre complice pour mieux feinter. Maintes et maintes fois baladés par la télé ou des blatères, d'éventuels élus zélés, non muselés et sanguinaires, lors de pseudo débats d'idées où règne moquerie, vanité, sotte rivalité. À quand la diffusion sur l'écran géant d'un stade avec popcorn à profusion? Pom pom girl qui gambade, des puissants mâles qui s'enflamment. La politique, un sport de brut pour toucher le maximum de cibles. Pour éviter que les scores ne chutent, on édulcore le plus possible. Voter pour la répartie ou la cote de popularité, pour une personne charismatique sans trop connaître ses idées, c'est le risque, et pas grand chose pour nous aider. Le pouvoir et la doxa sont rendus légitimes par des oppositions qui ne sont qu'apparentées silices. Journaux, télé, radio, unilatéraux, se nourrir de rats gauche, n'en voit pas l'intérêt. Car l'information, par définition, se doit d'être informe, donc sans intervention de commerce, de sensage, de parti pris, ni de mode, d'audimat, de scandale, d'offre ou de demande. Car à force de racoler avec démagogie, on en vient à galvauder le terme pédagogie. Quand le foot fait débat, le drapeau se débat, la Marseillaise débarque et les thèmes se déplacent. De la société vers l'individu, des idées vers l'image évitée, le dialogue est vidé, prostitué entre propos, insultants impunis, rapports extra-conjugaux et vacances impudiques en face. C'est rampant, pauvreté, emprunt, promiscuité, temps plein, et CDD, emprunt, précarité, en plein, dans ce qu'on appelle en bien. Structuration, flexibilité, tremplin. Mais dans la peur du devenir, personne n'investit ni dans le rejet et le repli. La honte ou l'invective, le social est le premier facteur économique. Comment se fait-il qu'on l'oublie si ça paraît si logique? Alors pourquoi troque-t-on cette main invisible contre ce foutu moignon aux actions inciviles d'un état régalien, aux factions et milices, préventions insipides et répressions incisives? Les lois de la jungle supplantées par celles des marchés, c'est le darwinisme social où le faible est mâché. Les adaptés survivent, les dociles subsistent, les grossistes culminent et les autres subissent. J'ai la curieuse impression d'avoir été tenu sur la touche, à l'écart dans le décor, une main inconnue sur la bouche. Alors qu'en parallèle j'entendais parler de transparence, d'absence, d'interférence, de complicité voire de confiance. À l'écran le politicien est plus proche que mon voisin. Je sens tapoter mon épaule, lui serre presque la main. Il m'explique ses idées, les défend si bien qu'en lui j'ai foi. M'envoie son programme par courrier, bien trop compliqué pour moi. Je me contente de le survoler, me focalise sur les gros titres et les quelques passages surlignés. Jette un regard rapide sur les autres programmes, écoute des extraits d'interviews et de discours diplomates. Ça y est, je crois savoir pour quel candidat il faut que je vote. J'ai cru faire le meilleur choix, mais j'ai la curieuse impression d'être resté sur la touche, d'avoir été manipulé, de ne pas être habilité à voter dans un monde hors de ma portée. Issu d'une élite quasiment consanguine, que l'ENA et l'oligarchie des partis ont consenti. Le politique ne peut qu'assurer le statu quo, il ne saurait attaquer ce qui l'a placé si haut, espérant espérant que les cours tiennent. Mais rien de senti ici, politique de court terme et infanticide, où les opérations sont remplacées par des pansements, où les problèmes sont déplacés, cachés pendant que les mandats s'empilent. La politique devient carrière, le changement est une barrière, donc on regarde vers l'arrière. Clivage et parti s'affichent de façon ostensible, si bien qu'introduire une autre sensibilité est impossible. Les rares à parvenir au pouvoir par d'autres voies s'enorgueillissent et se croient des porte-voix. Joue des coups, des renforces le cul du self-made man et du coup nous délaisse le cul dans la même merde, car ces exceptions qui confirment la règle pourtant suscite le fantasme d'ascenseur social et de réussite. Et pour nous contenir, toujours le même récipient, un suffrage universel comme seul excipient. Mais demande à des aveugles leur couleur préférée par l'ignorance. Notre pouvoir est ferré, du coup les débats finissent par être une palette de croyances, de paraître, de passions, de paillettes. Du coup les courbes de croissance sont des panacées, qu'importe le bien-être puisqu'il n'est pas son départ INSEE. Du coup les indices d'opinion sont des oracles en campagne, thèmes et questions sont déplorables, des parades avec les plus saignants en costume, des palabres pour les plus saillants qui postulent. Leurs couleurs sont pastel pour feindre mille postures, si bien que je parle de démocratie à titre posthume. Mercantile, entente entre médias et pouvoir, opposition factice, impérialisme d'un modèle économique antidémocratique, à conséquence et court terme antidémocratique, électorat flatté antidémocratique, passions et peurs instrumentalisées antidémocratique, classe politique sans diversité antidémocratique, la carrière politique, le pouvoir comme but, les attraits de ce pouvoir antidémocratique, le fait qu'il soit réservé à une élite, le principe même d'élitisme antidémocratique, toute forme de modèle, la hiérarchie dans la culture, la hiérarchie dans le langage antidémocratique, une école subordonnante antidémocratie, le principe d'intégration antidémocratie, l'identité nationale antidémocratie, antidémocratique, antidémocratique.